On est bien le lundi 29 mai, dernier lundi du mois, et donc, comme tous les derniers lundis du mois, de 13 à 14 heures, c'est joie, rage et courage. Joie, rage et courage, c'est une petite heure d'émission, de son, d'extrait, d'interview. Sur des choses qui nous foutent la pêche et qui nous donnent du courage pour aller jusqu'à demain. Joie, rage et courage, ce mois-ci, sera consacré au vol. Pas le truc qui permet aux oiseaux de se déplacer, ni aux hommes d'affaires dans leurs avions, mais bien le vol qui permet à la plupart d'entre nous de faire de la débrouille, quoi. Allez, une petite intro comme d'habitude, avec le son de Arsène Lupin. De joie, rage et courage, où on va choper, barboter, piquer, rafler, taper, coupiner, carotter, souffler et nettoyer. Bref, on va se refaire, détourner, griffer, choper, ratiboiser, dépouiller, soulager, engourdir et se servir. Vous l'aurez compris, pendant une heure, on va filouter, flibuster ou pirater, exproprier, délester, lever, faucher, dépouiller, piller quoi. On va bicrave, endormir, lever, détourner, soulever, chaparder, grinchir la chicane. On va faire de la glisse, secouer une chemise, faire de la croche quoi. En tout cas, pendant une heure sur Joie, Rage et Courage, on va voler de nos propres ailes. Le vol, c'est prendre indûment ou légitimement. Qui vole-t-il ? Ils nous volent tous, à certains le temps, à d'autres l'effort, à d'autres la vie, à d'autres l'espace. Ils ne font que voler et voler. Notre société est basée sur le dépouillement général, et c'est pour cela qu'ils défendent, avec tant d'acharnement, la propriété privée. De retour sur le 89.5 avec Joie, Rage et Courage, et donc cette émission consacrée à la cambriole. La cambriole, c'est quelque chose qui est plus répandu qu'on ne le croit. Les chiffres sont super importants, le nombre de vols. On est un des pays d'Europe occidentale où il y a le plus de vols, mais le vol, c'est pas seulement la personne qui vient chez... qui s'introduit dans un domicile la nuit et qui chaparde 2-3 DVD. C'est une pratique qui est super répandue, qui fait partie en fait d'une débrouille qui est de plus en plus collectivisée, mais qui n'est pas forcément reconnue par tous comme étant du vol, quoi. Le vol, c'est l'infirmier qui vole une tablette de Doliprane pour le ramener chez lui. Le vol, c'est l'employé qui prend la voiture de fonction pour aller se faire un petit week-end au bord de la mer. Et le vol, c'est aussi celui qui va chaparder, ou celle qui va chaparder 2-3 fromages pour les mettre dans son sac. Bref, en fait, le vol, il est sous plein de formes différentes. Et comme le dit le petit son d'intro sur qui vole, et ben le vol, en fait, il est multiple, et il n'est pas seulement du côté des dominés, il est également celui des dominants. Les dominants, c'est ceux qui nous volent notre temps en échange de quelques euros. C'est ceux qui volent et détournent des milliers et des millions d'euros. En fait, la partie politique du vol, il est aussi dans qu'est-ce qu'on en fait. Et ben, peut-être que c'est plus sain et plus légitime de prendre la voiture de fonction pour aller se faire un week-end à la mer, pour essayer d'oublier notre quotidien de merde, plutôt que détourner des millions d'euros, ou prêter de l'argent, ou pour les banques, prêter de l'argent à des taux d'intérêt dingues. En fait, du coup, le vol, il a plein de formes différentes, et il y a qu'est-ce qu'on met derrière. Et là où ça devient intéressant, c'est quand la question du vol, elle devient commune. C'est quand on la débrouille, plutôt que rester individuelle, elle se partage, elle s'échange, elle s'enrichit, et elle permet des réflexions, des discussions, et puis elle permet d'aller plus loin que l'acte, et de réfléchir à ça pour éventuellement que ça soit plus partagé, et créer des solidarités. Et c'est dans cet esprit qu'on a trouvé une brochure qui s'appelle La Brochure, qui en fait est une brochure sur le vol, et on va vous lire, on va lire l'intro. Voler de ses propres mains. Il ne s'agit pas de faire notre mea culpa, pas de Saint-Esprit dans nos cœurs, il ne s'agit pas de faire se lever les poings, la hargne est déjà vivace, et pas question non plus de plonger dans l'argumentaire scolaire qui fait plaisir à la maîtresse. Mais tout de même, à parler de technique de chouchou, on en profite pour placer deux mots sur ce qui loge dans nos viscères. Nous partons de ce constat simple, il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. La fuite est impossible, d'ailleurs elle ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on aime, ce sont les brèches, qu'on sculpte, qu'on taille dans la masse. On rit d'aller se péter le front sur les murs d'un monde hôpital, au carrelage blanc ou beige fade, éclairé au néon tungstène. Il s'impose à nous comme une brutale évidence, et nous considérons chacune de ses injonctions comme une manifestation de son expansion. Le voleur manigance, dépouille les mailles du filet, pose des barricades pour défendre ses terrains de jeu. Parce qu'on a bouffé et qu'on bouffe encore de la pub tous les jours. Parce que ces images subliminales qui sabotent notre imaginaire à côté de l'impossible financière et l'impossibilité financière d'accéder aux trucs que la société industrielle pseudo-luxueuse nous brandit devant le pif. Crée des frustrations. Sans toutefois écarter la nécessité de s'affranchir de ses faux besoins, on chourre pour desserrer les mâchoires, avec en plus le luxe de ne pas recréer une frustration supplémentaire, celle qui te plaît, celle qui te fait culpabiliser lorsque tu as dépensé compulsivement pour un achat absolument inutile. Et pourtant, on nous fait encore croire que le consommateur garde une marge de manœuvre, telle la part embrochée à l'hameçon qui espère de ne pas être mangée par la truite. Que l'antre de la liberté se situe dans ce pouvoir ridicule, celui de choisir un produit suivant un rapport qualité-prix, entre le moins cher et le moins dégueulasse. À l'UFC que choisir, de taper du poing sur la table quand cette liberté n'est pas respectée. Le consommateur, pour peu qu'il y en ait les moyens, peut toujours se donner bonne conscience en achetant dans les biocoop ou en privilégiant les circuits courts. Il perd en réalité tout pouvoir lorsqu'il fout la main dans sa bourse. Il consomme, point barre. Il participe à la grande entourloupe, mettre en avant l'idée qu'il puisse y avoir une autre façon de consommer, au mais que la fin du processus est le même. Tu sors tes bifetons et les réinfectes dans l'économie, fût-elle alter ou néo ou macro. Ici-bas, la fuite est impossible. Ne reste guère que la fierté, la dignité et l'acceptation pragmatique de la situation. En d'autres termes, on esquive le statut de victime, et même dans les cordes, on ne baisse pas la garde ni les bras. On est fauché comme rarement on l'a été, comme toujours on le sera, comme on a à cœur de le rester, mais on compte bien rendre les coups. Il n'est pas question de se contenter des miettes que les seigneurs du pognon nous laissent. On a bu du café robuste à premier prix par hectolitre, et on s'en est fait des ulcères à l'estomac. Pour mettre fin à la décomposition de notre propre intérieur, on a acté que nous n'étions pas malades. La pauvreté n'est pas une MST. Il a donc fallu chourer du beurre. l'argent du beurre, la crémière ligotée dans le coffre de la Twingo et du kawa que seuls les bourges peuvent s'offrir. La piraterie traverse les époques. Aujourd'hui, elle ne se donne pas toujours à voir. Elle s'active quand même en souterrain. Ainsi du hacker qui bidouille tout ce qui lui passe dans les mains, ainsi du voleur qui se pare d'un costard cravate et d'un cabas avec un double fond, sur ce monolithe lisse et glacial que constitue notre société, il faut parfois glisser les yeux pour apercevoir des taches de rouille qui se répandent sur le métal comme une tache d'huile dans la flotte. Au-delà du sentiment valeureux de les avoir niqués, nous aimons ressusciter ce cancre du fond de la classe qui pisse sur les règles et se joue des ordres, celui-là même qui rit à gorge déployée, ce rire absolu qui s'auto-alimente et qui semble ne jamais prendre fin. Le gosse qui brave les interdits n'est pas mort. Il est quelque part, par là, autour de nous ou à l'intérieur, à souffler sur les braises qui défient l'autorité. Puisque l'économie s'insère dans tous les pans de nos existences, la gratuité reste inévitable, un geste politique. Elle est un élément de notre organisation. La pratique du vol est un élément de la caisse à outils, comme la clé à molette qui pète les serrures, comme la fougue qui habite les tripes. C'est en volant dans les magasins que ce gamin espiègle désacralise le cirque, le produit et l'argent tout à la fois. Ils ne valent plus rien. Et le gosse s'est resté simple. Il vole dans les magasins parce qu'il y a trop de magasins. Alors voilà, ça c'était l'intro de la brochure. Et en fait, cette brochure a fait écho aussi à d'autres trucs qu'on a pu lire et dont on a pu déjà parler à Joie, Rage et Courage, notamment la revue Rafale, qui est une revue avec plein d'astuces et de débrouilles, que ce soit pour les compteurs électriques, comme on avait parlé, ou d'autres choses. Bref, la brochure, elle reprend les différentes techniques, les différents conseils, les fonctionnements des services de sécurité dans les magasins, comment les éviter, comment faire avec, comment s'entraîner, comment faire ça ensemble collectivement et intelligemment. Bref, c'est une brochure qui donne des outils, même si, en tout cas personnellement, moi il me manque un truc, c'est que on n'est pas tous égaux devant le vol, c'est pas si simple que ça, que le vol, que ce soit si t'es selon ton âge, ton sexe, ta race, c'est pas du tout la même chose, t'es pas du tout surveillé de la même manière, selon ta situation, les risques sont pas du tout les mêmes. En tout cas, pour autant, au moins cette brochure elle existe et ça peut permettre d'être une boîte à outils. Et voilà. Mais il y a aussi d'autres boîtes à outils et d'autres moyens de partager les expériences et les connaissances pour se les réapproprier et pour faire un partage de débrouilles. C'est notamment les sacs de Schurz. Et voilà une petite interview d'une personne croisée entre un rayon nourriture pour chat et un rayon de bouteille d'eau. Salut. Est-ce que tu peux me présenter ce que tu as devant toi? Alors c'est on appelle ça les sacs de Schurz. Et c'est un cabas, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un cabas, c'est un sac de différentes tailles, ça peut aller du petit sac à main jusqu'à la grande besace, et c'est deux poignées et une grande poche carrée. Et en fait, celui-là, il a la particularité d'être doublé, et entre la doublure et l'extérieur, il y a une fermeture invisible qui permet d'ouvrir le sac, d'ouvrir la partie qui est entre l'extérieur et l'intérieur, et ça fait une poche dissimulée en fait, où on va pouvoir mettre des choses qu'on n'a pas spécialement envie de montrer à la caissière ou au caissier. Voilà, alors du coup c'est assez pratique parce que du coup, moi ce que je fais par exemple avec ce petit format là, je fais souvent des petits formats et puis des très grands formats. Et le petit format, il me permet pour aller dans les supérettes, les petits magasins de centre-ville, et c'est plus pour les petites courses d'appoint, Voilà, ça peut être très facilement de glisser quelques plaquettes de chocolat ou la crème de je sais pas quoi un peu chère. Bon, ben voilà, on peut remplir ce qu'on veut acheter dans la poche centrale, ce qu'on veut pas payer dans l'autre poche dissimulée. Et comme ça, quand on passe en caisse, on peut montrer un sac bien vide, on a bien vidé toutes nos courses, mais dans le double fond, il y a les à côté, quoi. Et c'est quoi une poche cachée ? Est-ce que tu peux décrire un peu comment du coup c'est fabriqué ? Ouais, c'est vraiment... Alors, la fermeture invisible, elle a la particularité de pas être voyante, hein, comme son nom l'indique, parce qu'elle est cousue vraiment dans une couture. Et on voit juste le petit curseur dépasser à un endroit, mais sinon, ça fait comme si c'était juste une couture entre deux tissus. Et donc, cette poche, elle est vraiment prise entre la doublure et l'extérieur du sac et fermée par ce curseur-là qui est très discret. Ce sac est en tissu genre normal ou comment c'est ? Non, alors il y a plusieurs styles, mais c'est vrai que... Là, pour la collection qu'on a fait en soutien à notre salle de réunion, notre salle collective, qu'on vend à prix libre, là, cette collection-là en particulier, elle s'adresse plutôt à des meufs. Elle est assez, mignonnette, on va dire. C'est des tissus jacquard, un peu, voilà, féminin, fleuri, un peu brillant et tout ça, parce que c'est vraiment le petit sac de choses de centre-ville, de petites supérettes. Alors après là, j'ai le grand format. Alors lui, il est plus en toile de jute. Voilà, il y a une grosse contenance. Alors ça, c'est pour quand on va faire, par exemple, avec notre colocation, là, notre bande de, une fois par mois, on va faire une grosse razzia. Là, c'est plutôt dans les très grandes surfaces. Et il y a vraiment une bonne contenance de plusieurs litres. Et puis, il est plutôt en toile de jute un peu épaisse. Et alors celui-là, la technique, elle est un petit peu différente parce que je le tapisse au fond de mon caddie à roulettes, bien ouvert, les deux poches bien ouvertes, avec la doublure de séparation au milieu. Et comme ça, je peux jeter les produits nonchalamment dans mon caddie à roulettes, même débrouiller pour que ça tombe d'un côté ou de l'autre de ce fameux double fond. Et du coup, quand j'arrive en caisse, même stratégie, je peux vider la partie voyante, refermer discrètement la fermeture au moment où je sors mes sous, comme si c'était rangé dans une poche qui ferme, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Et je montre bien que le cabas est vide, enfin en tout cas la partie visible est vide, pour re-remplir les choses que j'ai achetées de l'autre côté de la caisse, quoi. Et là j'ai une contenance de... je ne sais plus, l'autre jour on a payé pour 60 euros et puis on a dû voler pour à peu près 200 euros. Parce que du coup, il y a le double fond, il est quasiment un tiers plus petit que le vrai fond. Et ça fait plusieurs litres de contenance, quoi. Est-ce que ce sac de chours se vole ? Est-ce qu'il se vole ? Bah oui, bien sûr, tu peux toujours voler. Après, là, pour l'instant, on le vend à prix libre dans notre salle d'organisation politique. Enfin, c'est pas exactement un prix libre, d'ailleurs, c'est plutôt à ton taux horaire quand tu travailles. Et tout l'argent va en soutien à notre salle d'organisation politique pour payer les factures, les charges, etc. Donc, si tu le voles, ça veut dire que tu voles directement des gens qui font un peu la même chose que toi. Après, c'est ton choix. Hein. Chacun ses limites. Chacun ses limites, exactement. Ça, c'est du coup la tactique du sac de course. C'est une des stratégies, un des outils pour voler dans les supermarchés ou les magasins. Il y en a d'autres ? Est-ce que tu en connais d'autres ? Ouais, alors moi je me suis vraiment mis au sac de chours parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus confortable, mais c'est vrai que pendant longtemps j'étais plutôt sur les poches dissimulées. Alors pareil, ça c'est des ateliers que j'avais fait en squat pour. On faisait des ateliers couture où chacun amenait un vêtement qu'il avait envie de transformer, puis on faisait un petit pique-nique tiré. Hors du sac, justement, et ensuite, et puis on discutait sur le vol, etc., et ensuite on faisait de la couture, on transformait des vêtements en vue de faire des vêtements de chours. Moi, je trouve que sur le vêtement, ce qui marche le mieux, c'est sur un manteau, mais alors du coup, ça marche qu'en hiver, parce qu'il y a une saison où c'est plus crédible d'avoir un manteau, mais sur un manteau d'avoir des poches dissimulées entre, pareil, entre la doublure et l'extérieur du vêtement. Voilà, ça vaut le coup de faire des choses quand même assez solides, parce que les doublures de vêtements, c'est une matière qui s'abîme vite, et du coup de faire une bonne finition aussi pour que ça ait l'air propre, que voilà, parce que c'est toujours ce truc de l'image, quoi. Dans le vol, il faut quand même avoir un vêtement un peu propre, qu'on ait une certaine dégaine, quoi, clairement. Et du coup, d'aménager des vêtements qui sont des vêtements de tous les jours qu'on aime bien porter, parce que sinon on n'y pensera jamais à le mettre, mais qui soit bien fini, et de faire des bonnes poches profondes entre la doublure et le manteau. Ça, c'est une bonne technique. Bon, après, chaque vêtement peut s'adapter ou pas, même avec des vêtements normaux, il y a déjà pas mal de façons de dissimuler entre les élastiques, dans une capuche, voilà. Mais la poche dans le manteau, c'est une bonne technique aussi. Ces ateliers kangourou dont tu parles, ou de fabrication collective d'outils de vol, c'était quoi le déroulé de ces moments d'échange? Ouais, donc il y avait vraiment l'idée de pas seulement sortir du truc d'outils pratiques, d'échange d'outils pratiques, mais aussi de pouvoir parler de nos pratiques de vol et de nos limites à chacun chacune. Du coup, il y avait cette conversation qui partait quand même vraiment de l'idée de faire un atelier. Donc, on pouvait échanger différentes techniques sur des aimants, en fonction des produits qu'on vole, etc. Mais ça a amené chacun aussi à essayer de définir un peu ses limites. Et c'était en gros peut-être 1h30 de discussion, puis 3 heures d'atelier pratique pour faire de la transformation de vêtements. J'aimerais bien essayer un jour de faire un sac doublé avec un aimant, voir si au niveau de la rigidité du tissu, ça devient pas un peu ridicule, enfin que ça reste un peu crédible, parce qu'il faut quand même que ça reste crédible en tant que sac. Moi, j'en ai jamais l'utilité, parce que je vole surtout de la bouffe, que de la bouffe. Voilà, je vole pas de cosmétiques, je vole pas de vêtements, donc j'ai peu de problèmes avec les bips. Mais il faudrait essayer, ouais, de faire un sac vraiment... et de voir si d'avoir une petite couche d'aluminium entre justement cette doublure et l'extérieur du sac. D'une part, le sac reste crédible en tant que sac, et en plus ça bloque complètement les bips. Ouais, faudrait essayer. Moi, je n'ai pas de problème de bips, donc... Du coup, tu dis que tu voles que de la nourriture, etc. C'est quoi, et tout à l'heure, on a parlé de limites. Mmh. Et c'est quoi, du coup, toi, tes limites et la portée que tu donnes aussi à ça? Moi, je vole jamais des personnes, parce que même si la personne elle a l'air d'une bourgeoise et qu'elle a des objets hyper luxueux, je sais pas c'est quoi son rapport à cet objet, et peut-être que c'est, je sais pas, un héritage machin, et que je trouve que si je commence à voler une personne sur des critères aussi objectifs que ça, justement il n'y a plus trop de limites, et j'ai quand même pas envie que... Enfin, je trouve pas ça très défendable, quoi, d'être dans un rapport avec des gens à toujours juger, est-ce qu'ils sont plus bourges ou moins bourges que moi, et tout ça, et est-ce que ce serait légitime de les voler ou non, etc. Donc, je préfère écarter le sujet en me disant, bah, je vole jamais des personnes physiques. Et puis, dans les magasins, pour les chourses, c'est pareil, un peu, ce truc de si je rencontre la personne, parce que c'est elle qui tient son magasin, et que c'est directement son gagne-pain... Que je vole, ça c'est aussi une limite pour moi qui fait que j'irai pas dans des petites épiceries de quartier, des choses comme ça, et que c'est vraiment des patrons que je vole, des propriétaires qui ont une logique d'avoir embauché des gens pour engranger de l'argent sur des produits, voilà. Et là j'ai par contre aucun scrupule. Moi j'ai par exemple vraiment aucun problème à voler dans les magasins ou que d'autres volent dans les magasins, parce que je suis contre la propriété privée, donc j'estime que c'est même pas vraiment du vol, mais juste de la réappropriation de biens, quoi, de ce qui a été à un moment concentré dans certaines mains et tout. Ok, et sur la question du vol, etc., est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais dire, ou une réflexion, ou des questions que tu te poses et que tu aimerais partager? Bah, moi, juste après, sur le vol, il y a un truc de... La dimension politique du vol, la dimension utopiste du vol, elle est indéfinissable, enfin, hyper dure à définir, parce que, en même temps, c'est pas la société que je voudrais. dans l'idéal, je préférais qu'il n'y ait pas de propriété privée et que du coup, on n'ait pas besoin de voler pour se réapproprier les choses. Et du coup, il y a toujours ce truc de... C'est pas porteur, quoi. C'est de la résistance, mais c'est pas de la résistance qui est portée par une utopie, un désir, une envie. Voilà. Moi, je préférais qu'on n'ait pas à voler, clairement. Et du coup, bah, voler, c'est vraiment parce qu'on est dans ce monde de merde, mais il y a un truc un peu comme ça, quotidien et pessimiste, quoi, qui est pas très motivant, porteur. Voilà. Ok. En fait, dans la Joie, Rage et Courage, la playlist, j'aime bien qu'elle soit faite aussi par les gens qui y participent. C'est quoi en ce moment le morceau qui te fout la pêche ? Il y a un morceau de musique qui me fout la pêche en ce moment. Chocolat Billy, tu vois Chocolat Billy, tu connais ? Ah ouais. Ça fout la pêche. Ouais ben tu vois en fait un magasin pillé c'est pas très compliqué quoi. C'est un groupe de personnes qui prennent ce dont ils ont besoin là où ça se trouve, dans les magasins. Ben on pète la vitrine puis on court-circuite le processus marchand en niant la valeur marchande des objets pour leur reconnaître une valeur utilitaire. C'est-à-dire ben on en a besoin, on le prend et puis voilà. C'est l'affirmation de la gratuité contre le commerce, l'affirmation du vol comme mode de protestation politique et moyen de vivre décemment dans un monde où rien n'est accessible sans argent, pas même la satisfaction de ses besoins vitaux. Bah, ces moments-là, en plus, ça contribue à la création momentanée de situations où tout semble possible, où l'ordre bascule et où la ville semble un peu libérée, comme ça, dans certains points. Bah, cela, ça laisse aussi entrevoir à aux gens qu'autre chose est possible, quoi. L'argent, ça va pas de soi, mec. T'as trop raison, mec. Ouais, c'est clair. Ok, singe des rues. Parce qu'on n'a pas le choix des armes. Parce que c'est le taf ou la tôle. Parce qu'on y passe tous. Plus le temps. Déjà 8 piges depuis le premier.

à la fin des années 90 et fin des années 2000. En fait, le principe, c'est d'aller à... Alors, enfin, les autoréductions, il y a plusieurs autoréductions possibles. Il y a des autoréductions, par exemple, de bus ou de train, où du coup, plein de gens rentrent dans un train et disent, bah non, on ne paiera pas, et faire le trajet collectivement. Et en fait, le fait d'être à plusieurs et tenir la même position, et ben souvent, ça peut marcher. Il y a les autoréductions de loyer qui permettent, qui sont aussi appelées les grèves de loyer, qui permettent de, à plusieurs de, ben, de résister par rapport à un bailleur ou mettre un coup de pression du coup à son propriétaire, à plusieurs du coup dans un immeuble pour dire ben, on ne paiera pas tant que la situation ne sera pas améliorée ou quoi, ou, etc. Enfin, plein de situations différentes, plein de revendications différentes. Bref, il y a tout, du coup aussi des autoréductions dans les magasins, où le principe c'est de rentrer à plusieurs dans le magasin, de faire ses courses normales, et une fois arrivé à la caisse, de bloquer la caisse en disant que les gens ne. Enfin, toutes les personnes à la caisse à ce moment-là disent on ne paiera pas, on veut que le magasin nous laisse sortir avec nos caddies. Du coup, à ce moment-là, souvent, ils appellent les keufs, les vigiles mettent un coup de pression, et il y a un temps de négociation, car en fait, tant que la personne n'est pas sortie avec le produit, il n'y a pas de vol. Du coup, ben, y a une possibilité pour eux d'intervenir. Et du coup, le principe, c'est de bloquer les flux de produits et négocier de sortir les produits dans les caddies, souvent soit à l'occasion de, ben, de distribution dans la rue, dans les quartiers, etc. ou comme dans d'autres moments, comme pour faire des 31 décembre solidaires. Alors on va d'abord écouter une fiction d'autoréduction, et puis après on écoutera comment ça se passe dans la vraie vie. Ce matin, on allait au supermarché. Mais comme d'habitude, on n'avait pas assez de thunes pour acheter ce dont on avait besoin. Alors, il y en a une qui a dit... Cette fois, ça suffit, hein. Vous allez nous faire la marchandise à prix coûtant. Et n'essayez surtout pas de montrer les dents, sinon on se casse sans rien payer du tout. T'aurais vu le gérant, il était vert. Vous êtes folle, j'appelle la police. Il est allé au téléphone de la caisse, il a décroché le récepteur. Malheureusement, le téléphone ne marchait pas. Quelqu'un avait l'idée de couper les fils. Laissez-moi passer, je vais aller dans mon bureau. Nous, on serrait les rangs pour l'empêcher de passer. Lui, il commence à pousser. Une femme fait semblant d'avoir attrapé un coup de poing dans le ventre et se laisse tomber par terre, de tout son long, évanouie. On était mortes de rire. Et pour finir ? Pour finir, ce ballot de gérant a fait ce qu'on lui a dit de faire. Il a mis la marchandise au prix coûtant. Tout à coup... La police ! C'est une fausse alerte, heureusement, mais on a toutes détalées. Il y en avait qui lâchaient leur paquet, d'autres qui se mettaient à pleurer. Mais du calme, enfin ! Du calme, voyons ! Ça, c'était des ouvriers qui arrivaient de l'usine d'à côté. Qu'est-ce qui vous prend ? Vous allez vous à l'idée de voir la police qui arrive ou quoi ? Vous êtes dans votre droit, hein. Vous réclamez de payer le juste prix des choses, le prix coûtant. C'est comme une grève, c'est même mieux qu'une grève. Parce qu'une grève, ça fait perdre le salaire aux ouvriers. Tandis que pour une fois, c'est seulement les patrons qui y perdent. Bon Dieu, il y a même mieux à faire. Faut pas payer. Comment ? Faut pas payer ? On était un peu excités. Ne pas payer, on avait déjà payé. Vous allez voir comment on fait. Hop là. Ils se précipitent aux étalages, ils prennent la marchandise, ils la mettent dans les sacs du supermarché et ils interpellent le gérant, qui était toujours aussi vert et qui avait même rapetissé. Ça compensera tout ce fric que vous nous avez volé depuis le temps qu'on vient chez vous faire les courses. Ils continuent à prendre de la marchandise plein les bras. Moi, j'ai réfléchi, j'ai pensé, et j'ai pensé très fort, j'ai résisté un peu, et puis j'ai recommencé mon marché. Faut pas payer, on ne paye plus. On ne paye plus. On ne paye plus. On ne paye plus. On ne paye plus. On ne paye plus. Entre-temps, la police, la vraie, est arrivée pour de bon. Une marée de flics. J'avais le cœur prêt à éclater. Nos jambes qui tremblaient, nos sacs qui tremblaient avec nous. Mais il n'y en a pas une qui est flanchée. À un moment, sur un signe des ouvriers, nous sommes sortis du supermarché avec un air si décidé, avec des mines si honnêtes. On aurait cru des ministres qu'on vient de prendre la main dans le sac. On est passé entre les ouvriers qui avaient formé des cordons pour qu'on arrive tranquillement jusqu'au tram, et on est parti, sans avoir payé. Donc voilà, ça c'est une fiction, et puis la réalité, ça donne ça. Comme je disais ce matin, on se baisse pas. Alors hop, c'est pas ça. Il en fallait un problème. C'est ça. Ben voilà, on est en train de faire ce qu'on appelle une autoréduction, c'est une tradition des mouvements de chômeurs. C'est la crise qui revient. À un moment, juste nous, on n'arrive pas à finir nos fins de mois. C'est exactement comme ce qui se passe en Grèce. Simplement ici, toute la population est complètement mise sous tutelle. C'est ça qui a eu lieu très récemment à Rennes il y a deux semaines. À Grenoble, il y a cinq jours. Et en Grèce, tous les jours. À Buenos Aires, il y a trois semaines. En Grèce, tous les jours. Des pratiques de lutte habituelles. Le principe, c'est ça. C'est justement, justement de ne pas faire du vol, mais de faire une action de blocage des flux de marchandises et négocier avec la direction qui nous offre le réveillon. C'est assez simple. La direction, elle est où? C'est nous qui nous levons le matin. Ah, je vous promets. On est pas tous des chômeurs. Parmi les gens qui sont ici, il y a des gens qui sont étudiants, il y a des gens qui sont chômeurs, il y a des gens qui sont RMI. Voilà, c'est toute une situation. Qui sont même pas tout ça. On a affaire juste à toute une réalité qui est collective. Et une deuxième chose, c'est qu'à chaque fois, on est tout ça et plus que ça aussi. On ne se limite pas à nos catégories. Que évidemment, on n'est pas un espèce, on n'est pas genre... Tout le monde s'attend à avoir une espèce de vrai précaire. La question, c'est que le vrai précaire, en principe, mais dans la tête des gens, c'est même quand il reste que changer la case et de résister juste un tout petit peu. Et nous, on se dit, mais non, tu commences à... C'est maintenant qu'il faut commencer à s'organiser pour une chose collective. Donc voilà, ça c'est un exemple d'une autoréduction dans un monoprix parisien il y a quelques années, un 31 décembre donc, voilà. Donc ce jour-là, Monoprix avait estimé à peu près 5000 euros les pertes, mais en fait, du coup, en fait, l'idée c'est de jouer sur la masse et de dire, ben, en fait, tant que vous n'acceptez pas, on part pas, et du coup on bloque les ventes, et vu que c'est un 31 décembre, c'est un des jours où les supermarchés, ils ont le plus intérêt à vendre et à faire du client, quoi, donc des chiffres, et donc bloquer les chiffres, c'est comme une grève, effectivement, comme l'animation, c'est jouer sur le rapport de force sur l'argent. Voilà. Et du coup, mais aussi, du coup, on l'a entendu avec des remises en question de l'argent. On va écouter un autre extrait d'une autoréduction à Lyon et on reviendra un peu sur ces questions-là. Comme je disais ce matin, on se baisse pas. On prend que du bio, du bon, du cher. Après, pas d'alcool, pas de rien. On prend que de la bouffe. C'est Noël, donc les chocolats, en tout cas, ça rentre dans la première. C'est ta première nécessité, hein. Et des bons chocolats tant qu'à faire. L'hygiène, ça dépend quoi comme hygiène? Des couches. Moi, je suis 100% pour, on nous a fait enlever des plusieurs caviers à chaque fois. On peut toujours essayer à chaque fois. Et l'objectif, quand même, mine de rien, c'est pas d'arriver à jouer vraiment les Robins des Bois, de donner de la bouffe aux gens et tout ça, c'est cool, c'est con. Le top, c'est d'arriver à bloquer les caisses pendant un maximum de temps de carrefour, c'est de taper leur porte. Pour la caissière, il faut la laisser biper au moins un caddie, au moins un produit, histoire que la machine elle soit lancée. Et après, il faut lui dire, attendez une seconde, j'ai oublié de vous le dire, mais il y a mon pote qui est en train de discuter avec le directeur. Faire une petite pause, lui fumer une cigarette, buver un café. Voilà, après, de toute façon, ceux qui seront au caddie et ceux qui auront autour, vous allez être là non-stop sur vos caddies, donc autant faire de la com et discuter avec les gens, tu vois, ça sera super joker en tout cas. Ah, ils vont venir, c'est pas si. Hein. Ah, on fait rien, on continue. Nous voulons distribuer de la nourriture dans le quartier d'à côté. Pour ce faire, nous n'avons pas l'argent pour le payer. Nous voulons que Carrefour l'offre instantanément pour pouvoir vous libérer. Il n'en est pas à quelques caddies dans sa recette de Noël où nous tous dépensons quelques milliers d'argent. On continue tout le temps, toutes ces caisses passent plein de denrées alimentaires qui ne cessent d'être de plus en plus polluées, de plus en plus plein d'OGM, de plus en plus chères. Les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Aujourd'hui, avoir de l'argent rapporte de l'argent. Ne pas avoir d'argent coûte de l'argent. Voilà. Donc voilà, c'était un son À Lyon, alors bah, voilà, il y a deux extraits, deux trucs différents. Finalement, l'autoréduction à Lyon ne marchera pas, dans le sens où en tout cas ils n'arriveront pas à sortir des produits et les redistribuer, mais en tout cas ils ont bloqué les caisses pendant longtemps, et donc ils ont fait payer Carrefour, Leclerc, je ne sais plus le nom de l'enseigne, par rapport à leur politique bah, voilà, de capitalisme, quoi. Du coup, et ben voilà deux exemples très différents aussi dans les revendications, dans le fait par exemple les limites, parce qu'on pourrait se poser la question, bah, pourquoi c'est quoi la valeur de l'argent, et pourquoi ils disent qu'il faut pas d'alcool, et pourquoi on pourrait pas prendre de l'alcool, et en fait ces pratiques d'autoréduction, c'est comme il a été dit dans le premier son parisien, c'est répandu aussi dans d'autres endroits, notamment bah, en Grèce, où il y a eu de nombreuses, pendant les périodes de, enfin c'est toujours la crise en Grèce, mais pendant les grosses périodes de crise, il y a eu de nombreuses autoréductions, et notamment des autoréductions où les personnes prenaient également les billets dans les caisses et les incendiaient. Je vous invite à voir une petite vidéo à ce sujet sur YouTube. Et en tout cas, cet acte, en tout cas, il montre clairement que l'idée, c'est de se réapproprier des biens qui devraient être accessibles à tous et toutes, et pas forcément et sortir de la logique marchande, et aussi ben, remettre en question la question de la valeur et la question de l'argent. Et voilà, je vous invite à réécouter une émission de Joie, Rage et Courage sur la monnaie. En tout cas, ben voilà, c'était quelques exemples, mais il y a aussi d'autres exemples plein ailleurs, notamment on pourrait citer les mouvements des Piqueteros en Argentine, qui et ben, en fait soit faisaient des autoréductions directement dans les magasins, soit en bloquant les rues, etc., faisaient des autoréductions dans les camions qui permettaient la circulation des marchandises. Bref, c'est des pratiques collectives de vol avec, qui pourraient, qui sont plutôt intéressantes à réfléchir et à analyser. Voilà, en tout cas, c'était une micro petite partie, infime partie de tout ce que le vol pouvait représenter. Et voilà. Joie, rage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou un voix de l'être. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose. C'est comme ça que ça se termine cette heure de Joie, Rage et Courage consacrée au vol. La prochaine émission de Joie, Rage et Courage sera donc le dernier lundi de juin, le 26 à 13h toujours. En attendant, vous pouvez nous envoyer un mail avec des infos, des questions, des remarques, des critiques, des insultes sur la boîte clap@riseup.net, et vous pourrez retrouver sur notre site joirageetcourage.noblogs.org, et aussi sur le site de Dio, ben vous pourrez retrouver cette émission et d'autres. Vous pourrez l'écouter, la télécharger, mais aussi piocher dans les différents textes qui ont été lus, utilisés pour cette émission, mais aussi des sons, des petites vidéos et des revues et des brochures, notamment la brochure et un petit lien vers la revue Rafale. Bref, on se retrouve la semaine prochaine, le mois prochain, en attendant que ce soit dans la rue ou dans les rayons d'un supermarché, rendez-vous dans les angles morts.